Deuxième station. Jésus se charge de sa croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus se livre au bourreau et se laisse charger de l'instrument de son supplice. Mais, outre cette lourde croix qui pèse sur ses épaules meurtries et ensanglantées, il se charge d'une croix bien plus humiliante encore et bien plus douloureuse. Il prend sur soi toutes les iniquités du monde et met à la disposition des hommes l'abondance de la grâce, de la miséricorde et de la justice, afin de les faire régner dans la vie éternelle par ses mérites infinis. Et par quels moyens obtient-il ce résultat? Par sa justice. Envers le genre humain, il exerce une équité pleine de miséricorde. Envers le démon, son ennemi, un juste jugement. Envers Dieu, son Père, une justice surabondante. Parce que le péché d'un seul, du premier Adam, a infecté tout le genre humain et appelé sur tous la condamnation, il juge souverainement équitable que la justice d'un seul, du second Adam, soit la justification et la vie de tous, et donne à tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il s'avance donc pour combattre le démon qui nous tient tous captifs, mais afin de faire mieux ressortir les droits de sa victoire, il veut l'attaquer à armes égales, et puisqu'il s'agit d'arracher la nature humaine à la servitude, c'est la nature humaine qui luttera contre son ennemi et en triomphera malgré les opprobres, les tourments et la mort. D'une autre part, comme le genre humain ne peut lui-même satisfaire à la justice divine, Jésus se charge de payer la dette commune de l'humanité et les dettes personnelles de chacun des enfants d'Adam. Dans son amour souverain pour la justice, il se donne à Dieu tout entier, avec tout le dévouement de son cœur de fils, afin que la valeur infinie d'une si précieuse offrande compense surabondamment tout ce dont l'humanité lui serait redevable. Ainsi, la justice divine ne perd aucun de ses droits. La vérité jaillit de la terre, la miséricorde et la justice se donnent un saint baiser. Et par la croix de Jésus, l'homme est justement réconcilié avec Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur, c'est donc ainsi que vous avez aimé la justice et haï l'iniquité. C'est au prix des humiliations, des souffrances et de la mort de votre sainte humanité que vous avez rétabli l'ordre dans la création et soutenu tous les droits de la divine majesté. C'est en vous sacrifiant pour la justice que vous m'apprenez à respecter en tous les droits de tous, à rendre à chacun ce qui lui est dû. Ah Seigneur, inspirez-moi une profonde horreur pour la tromperie, la fraude, le mensonge, pour tout ce qui blesse la plus délicate probité. Ne permettez pas que je fasse jamais au prochain le tort le plus léger, ni dans sa propriété, ni dans sa réputation, ni dans son honneur, ni dans sa vertu, ni dans aucun de ses droits. Mais accordez-moi la grâce de réparer au plus tôt les moindres manquements dont je serai coupable à son égard. Désormais, je veux avoir pour tous mes supérieurs le respect et l'obéissance qui leur sont dus, comme aux représentants de Dieu, aux dépositaires de son autorité, et je les assisterai de mon mieux, chacun dans l'ordre de ses fonctions et de son pouvoir. J'aurai pour mes inférieurs des soins incessants, une justice impartiale, une prudente fermeté. Je veillerai sur eux comme étant responsable de leurs âmes. Je les reprendrai et les corrigerai avec zèle. Je ne me servirai de mon autorité que pour leur bien. Je remplirai toutes mes fonctions, tous mes devoirs envers eux, avec une scrupuleuse intégrité. J'aurai pour mes égaux les égards et la considération, la déférence et la bienveillance, les attentions et les soins que peuvent exiger leur position sociale, leur titre, leur rapport avec moi. Je les aiderai et les soulagerai toujours dans la proportion de leurs besoins et de mon pouvoir. Dans le même esprit de justice, je m'attacherai à accomplir parfaitement tous les devoirs de mon état, à donner en tout bon exemple à mon prochain, à prier pour lui, à supporter ses défauts comme je désire qu'il supporte les miens. En un mot, je m'efforcerai de n'être jamais redevable de rien à personne, sinon de la charité. Mais ce n'est pas seulement à l'égard des hommes que je dois exercer la justice. Si je rends à César ce qui est à César, il est également juste, raisonnable, nécessaire que je rende à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et de quoi ne lui suis-je point redevable? Il est mon Créateur, je tiens de lui mon âme et toutes ses facultés, mon corps et tous ses sens. Il est ma providence et mon conservateur. Je lui dois tous les biens dont il me concède l'usage et qui suffisent aux nécessités de ma vie. Il est ma fin dernière, je lui dois tous les secours, tous les dons surnaturels qui m'aident sans cesse à tendre à cette béatitude souveraine. Mais si tout me vient de Dieu et appartient à Dieu, il est juste et raisonnable de n'en user que selon sa sainte volonté, de tout rapporter à sa gloire. Il est juste que la créature soit soumise à son autorité inaliénable, qu'elle respecte toutes ses lois et se tienne dans une dépendance volontaire mais absolue de son infinie majesté. Il est juste que toute intelligence humaine soit réduite en captivité et s'abaisse devant la moindre de ses paroles, qu'une gratitude sans borne reconnaisse l'immensité de ses bienfaits, qu'une parfaite confiance réponde à ses divines promesses, qu'un amour céleste élève l'homme avec d'incroyables ardeurs vers la source de toute perfection. Il est juste que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, soit à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Je le veux aussi, Seigneur Jésus, et puissé-je le vouloir efficacement jusqu'à mon dernier soupir. Mais que ne vous dois-je point à vous, ô Jésus, Agneau de Dieu qui portait les péchés du monde et les miens en particulier, vous qui vous chargez de ma croix et endurez les humiliations et les douleurs que j'ai méritées. Oh, quand mon esprit comprendra-t-il, quand mon cœur sentira-t-il tout ce que je vous dois? Ah, certes, il est juste que je tienne fidèlement les engagements que j'ai contractés envers vous au baptême, que je renonce pour toujours à Satan, à ses pompes, à ses œuvres. Il est juste que je vive et que je meure pour vous, puisque vous, ô mon unique Rédempteur, vivez et mourrez pour moi. Dire à notre Père, l'Ave Maria. Mère Sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Les chantres. Est-il homme qui ne pleura s'il voyait la mère de Jésus en un supplice si affreux? Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.